Les sources grecques du christianisme par Louis Ménard. La grande révolution religieuse qui partage en deux l'histoire des peuples de l'Occident présente, au premier abord, le spectacle d'une société justement fière de sa supériorité incontestée qui tout à coup se soumet volontairement à la domination intellectuelle d'une race inférieure. Le Dieu des chrétiens naît et meurt en Judée. Ses premiers disciples, juifs comme lui, porte son culte en Égypte et en Asie mineure, en Grèce et en Italie. Et en moins de 3 siècles, le christianisme est devenu la religion de tout l'Empire romain. Une conversion si rapide se comprendrait chez une population barbare, peu attachée à ses vagues traditions, mais que les peuples les plus civilisés aient pu renier ainsi leur passé et abdiquer leur suprématie morale devant une petite nation dispersée, réduite à une condition presque servile, c'est là un fait étrange, unique dans l'histoire. Mais le miracle disparaît si on étudie le milieu où s'est développé le christianisme et les causes qui en ont préparé l'avènement. Il n'est pas tombé comme un coup de foudre au milieu du vieux monde surpris et effaré. L'histoire n'a pas de brusque changement ni de transformation imprévue, pas plus dans les croyances que dans les mœurs. Pour comprendre le passage d'une religion à une autre, il ne faut pas opposer entre eux deux termes extrêmes, comme la mythologie homérique et le symbole de Nicée. Il faut tenir compte des monuments intermédiaires, produits multiples d'une époque de transition où l'hellénisme primitif, discuté par la philosophie, s'altérait chaque jour davantage par son mélange avec les religions de l'Orient qui débordaient confusément sur l'Europe. Le christianisme représente le dernier terme de cette invasion des idées orientales en Occident, mais il n'est pas pour cela un rameau détaché du judaïsme. Il a emprunté ses éléments à toutes les religions anciennes et en a formé une construction nouvelle et originale en leur donnant une importance proportionnelle à la vitalité qu'ils avaient conservée au moment de cette transformation. On a l'habitude de négliger systématiquement ces emprunts. On croirait faire injure au christianisme si on en cherchait les origines dans les religions qu'il a remplacées. On aime mieux n'y voir qu'une hérésie juive et dès lors, on ne peut s'expliquer ni pourquoi les Juifs l'ont repoussé si obstinément, ni comment il a pu être accepté par les Grecs et les Romains. Sans doute, il y a un élément juif dans le christianisme, mais s'il n'avait pas ses sources principales dans les plus lointaines croyances des peuples de l'Europe, il n'aurait jamais pu devenir la religion de ces peuples parce qu'il eût été étranger à leur caractère et à leur génie. C'est là qu'il faut chercher les affluents générateurs du grand fleuve chrétien. Si on les subordonne à la source juive, on commet la même erreur que les géographes qui ont fait du Missouri un tributaire du Mississippi, tandis qu'il en est la branche principale et le véritable fleuve. L'apport des Juifs dans la mythologie chrétienne est à peine égal à celui des Égyptiens et des Perses. Ce qui a fait illusion, c'est qu'en empruntant aux Juifs leur Dieu unique, le christianisme était obligé d'adopter leurs traditions et leurs livres sacrés. Il a aussi adopté leur Messie, mais il en a fait un Dieu, et cette incarnation du divin dans l'humanité est précisément ce qui creuse un abîme infranchissable entre les chrétiens et les juifs. Considéré dans ses dogmes, le christianisme, qu'on représente comme le complément de la religion juive, en est plutôt l'antithèse. Le trait dominant du judaïsme, c'est la hauteur où il place l'idée divine. Entre son Dieu et l'homme, la distance est infinie. Le christianisme a pour dogme fondamental l'adoration de l'homme-dieu. La religion juive, seule entre toutes, se renferme dans la vie présente, sans suivre l'homme au-delà de sa destinée terrestre. Pour le christianisme, la terre n'est qu'un séjour d'épreuves et la vie une préparation à l'éternité. Le peuple juif s'enferme dans le patrimoine exclusif de sa loi et repousse de son sein la foule des incirconcis, tandis que le christianisme s'est annoncé dès l'origine comme religion universelle et n'a jamais cessé d'appeler à lui les hommes de toutes les nations. Par sa morale, le christianisme ne se rattache pas plus à la religion des Juifs qu'à celle des Grecs. La préférence qu'il accorde aux vertus ascétiques sur les vertus actives pourrait le faire comparer au bouddhisme, dont il se rapproche aussi par sa discipline sacerdotale. Mais ce rapprochement n'implique pas une filiation. Il permet seulement de voir dans ces deux religions deux phases correspondantes de l'évolution des idées. Si le christianisme s'en était tenu aux prédications de ses premiers apôtres, il n'aurait été qu'une petite secte juive qui se serait éteinte obscurément comme les ébionites. La prédication de saint Paul repose sur le dogme de la résurrection. C'est un emprunt à la mythologie égyptienne et à la mythologie mithriaque. La métaphysique exposée au début de l'évangile de saint Jean est empruntée au poème andrès d'Hermès Trismégiste. On peut même remonter jusqu'au Timée de Platon. Les dogmes de la chute, de l'incarnation et de la rédemption ont leur source dans les mythologies indo-européennes. Il est vrai que les chrétiens ont voulu rattacher la chute de l'homme à la mythologie hébraïque, mais il a fallu faire du serpent d'Éden l'incarnation du mauvais principe. C'est un emprunt à la mythologie iranienne. La chute de l'homme, dans le dogme chrétien, est une conséquence de la chute des anges dont la Bible ne dit pas un mot. C'est une fable indo-européenne dont on peut suivre la trace, soit dans l'Inde et la Perse, soit dans la Grèce elle-même, depuis la tradition épique des titans et des géants, jusqu'à la démonologie d'Empédocle et au système mystique de la descente et de l'ascension des âmes exposé par Platon et par Virgile. La croyance à la vie d'outre-tombe, qui tient une place si importante dans la symbolique chrétienne, ne peut être appuyée sur la Bible hébraïque, qui n'a pas d'eschatologie. Les Juifs sont le seul peuple matérialiste de l'Antiquité. D'après la doctrine dite mosaïque, l'homme est puni ou récompensé dans ses descendants. La vie collective du peuple élu d'Yahvé se confond avec l'unité politique et la religion nationale, sans laisser une place pour l'individu, pas même celle de médiateur. Les Juifs n'ont jamais eu de fête commémorative pour Abraham et Jacob, leurs ancêtres, ni pour David, leur roi populaire, ni pour Moïse, leur législateur, ni pour aucun de leurs prophètes. Invoquer les morts ou prier pour eux, supposer qu'ils sont encore quelque chose quand le taureau est retourné à la terre d'où il était sorti, quand le souffle est retourné à Dieu qui l'avait donné, ce serait méconnaître les droits de celui qui possède seul l'existence. Il est celui qui est. Chez les Grecs, au contraire, l'abîme infranchissable que la mort a creusé entre le Dieu et l'homme était comblé par l'apothéose et l'immortalité de l'âme, par le culte des héros et des ancêtres. Les tombeaux étaient sacrés comme des temples. Chaque cité, chaque famille avait son protecteur. Et quand le christianisme eut remplacé les héros par les saints, les noms seuls furent changés, les fonctions restèrent les mêmes. C'étaient toujours des gardiens actifs et vigilants, compatissant à nos misères, parce qu'ils ont souffert comme nous. Autant les Juifs, habitués à distinguer profondément la nature divine de la nature humaine, devaient repousser avec horreur l'idée de l'incarnation, autant cette idée devait sembler naturelle aux Grecs, qui n'avaient jamais cessé de chercher le divin dans l'humanité. Au siècle héroïque, on ne concevait rien de supérieur à la force tutélaire qui dompte les fléaux et les monstres, à la force héracléenne. C'est toujours ainsi qu'Héraclès est désigné dans l'épopée. Pour prix de ses durs travaux, le héros sauveur, affranchi des souillures terrestres par la flamme du bûcher, devient l'époux de l'éternelle jeunesse. Il s'assoit dans l'Olympe à côté des dieux, fort et bienfaisant comme lui. Dans la vieillesse de la Grèce, ce type idéal de l'humanité devait se transformer pour répondre aux besoins nouveaux de la conscience populaire. L'homme-dieu ne pouvait plus être un athlète vainqueur des lions et des hydres, mais un sage enseignant la vertu aux hommes, leur révélant le grand mystère de l'âme, la rédemption par le sacrifice, et consacrant comme Socrate sa doctrine par sa mort. Le culte de l'homme, qui est le caractère dominant de la religion grecque, arrive en lui à son dernier terme. L'homme ne s'adore plus dans sa force et dans sa beauté, mais dans sa misère et sa faiblesse, dans sa douleur et dans sa mort. Et quand on a scellé la pierre de son sépulcre, il ressuscite le troisième jour et va s'asseoir à la droite du Père. L'idée de soumettre un Dieu aux misères terrestres et surtout à la mort eût été pour les Juifs le plus impie de tous les blasphèmes, mais elle n'avait rien qui pût étonner les Grecs. Ils trouvaient dans leurs vieilles légendes des dieux blessés, des dieux enchaînés, des dieux soumis à l'esclavage. Apollon avait gardé les troupeaux chez Admète. Héraclès avait accompli ses travaux pour obéir aux ordres d'Eurystheus, son maître, et n'était arrivé la divinité que par l'apothéose, car il était mortel, comme tous les demi-dieux. Les initiations mystiques, qui prirent un si grand développement dans la dernière période de l'hellénisme, reproduisaient toutes, sous diverses formes, le dogme de la passion et de la mort d'un dieu. C'était d'abord les mystères d'Éleusis, ou la renaissance de la végétation après l'hiver, et la renaissance de l'âme au-delà du tombeau, était représenté dans un même symbole, celui d'une jeune fille, enlevée par le roi des morts, pleurée par sa mère la terre, la mère des douleurs, et rendue à la lumière du jour par la volonté de Zeus. Puis, le troisième Kabyr mis à mort par ses frères, dans les mystères de Samothrace, aux Agréus déchirés par les titans et renaissant dans Dionysos, le dieu de l'initiation orphique. L'idée du grain de blé qui meurt pour ressusciter en épi se représente sous une autre forme dans la pluie divine, tombant sur la terre pour renaître dans la liqueur sacrée des libations. Le vin pouvait être pris comme le pain pour symbole de la communion des êtres. On ne doit pas s'étonner que l'Église grecque donne le nom de mystère au sacrement de l'Eucharistie qui renouvelle l'antique initiation par le pain et le vin. Les aventures d'Orpheus, personnage fabuleux auquel on rapportait l'institution des mystères de Dionysos, reproduisent quelques traits de la légende du dieu lui-même. Il est déchiré par les Ménades, il descend aux enfers chercher sa femme Eurydice, comme Dionysos y était descendu pour ramener sa mère Sémélée. Dans les peintures chrétiennes des catacombes de Rome, le sauveur est souvent représenté sous les traits et le costume d'Orpheus. La transformation religieuse qui se rattache à son nom semble en effet une ébauche du christianisme, et les congrégations orphiques ressemblent bien plus au clergé chrétien qu'un sacerdoce hellénique. Il n'y avait pas de véritable prêtre en Grèce. Il n'y avait que des sacristains chargés par le peuple de garder le temple et de diriger les cérémonies du culte public. Mais grâce à la liberté laissée à tous les cultes privés, ils se formaient des thiases ou collèges religieux, indépendants de l'État. Tels étaient les orphéotélestes ou initiateurs orphiques qui vendaient des formules de prière et des pratiques de purification. Platon parle assez dédaigneusement de ces charlatans qui assiègent les portes des riches pour leur offrir les moyens d'expier leurs crimes ou ceux de leurs ancêtres. Les orphiques avaient une discipline ascétique et tous les caractères d'un ordre religieux. Leur commerce de formules expiatoires pour racheter les péchés des vivants et des morts rappelle la vente des indulgences au Moyen-Âge. Le Messie. La domination des Romains, comme celle des Séleucides, rejeta les Juifs dans leur rêve messianique. La Bible y jouait le principal rôle. Quoique les anciens prophètes ne fussent que des tribuns religieux et populaires, on arrivait, à l'aide d'interprétations de fantaisie, à en faire des devins. On leur faisait prédire la suprématie du peuple juif sur tous les autres peuples. En isolant quelques phrases de leurs écrits, on y trouvait des allusions à son futur libérateur, à son Messie. Comme tous les types mythologiques, ce personnage idéal du Messie se précisa de plus en plus. Mais en même temps, il prit une signification plus haute et son caractère devint exclusivement moral. Devant l'immensité de la puissance romaine, un roi guerrier comme David n'aurait pas suffi. Ce n'était pas trop d'un révélateur comme Moïse pour établir le règne de Dieu sur la terre. Dans ce rôle surnaturel, le Messie devait avoir bien plus d'action sur le peuple. Mais toute révolution, qu'elle soit violente ou mystique, inspirera toujours la même horreur aux classes dirigeantes. Le sacerdoce juif implora l'appui du bras séculier contre Jésus de Nazareth, comme autrefois contre Judas Maccabée. Il courait de mauvais bruit sur cet agitateur dont on ne connaissait pas les moyens d'existence et qui traînait toujours à sa suite des troupes de gens sans aveu. Que leur prêchait-il pour avoir tant de succès? Disaient les honnêtes gens de ce temps-là. Assurément, ce n'est pas le respect de l'ordre et de la propriété. On citait de lui des paroles inquiétantes. Un câble entrera plus facilement dans le trou d'une aiguille qu'un riche dans le royaume de Dieu. C'est avec ces discours incendiaires qu'on excite les foules ignorantes au meurtre et au pillage. En principe, les honnêtes gens ne sont pas hostiles à la liberté de la parole, mais c'est une arme qu'ils voudraient se préserver. Il faut, disent-ils, la contenir dans de justes limites, sans quoi il n'y aurait pas de société possible. Si on permettait aux premiers venus de déblatérer contre les gens respectables et de soulever les mauvaises passions, personne ne pourrait dormir tranquille. Comment les déclassés se résigneront-ils à chercher du travail si on leur parle des lys des champs qui ne tissent ni ne filent et qui sont mieux vêtus que Salomon? On ne doit pas lâcher la bride à ces individus qui n'ont pas su se faire une position et qui voudraient tout bouleverser pour pêcher en eau trouble. Comme tous les charlatans, ce Jésus prétend déjà qu'il fait des cures merveilleuses et il trouve des dupes pour le croire. On finira par en faire un dieu. Il faut pourtant bien que les honnêtes gens se défendent, et c'est le devoir du gouvernement de les protéger contre les brouillons et les factieux qui menacent la sécurité publique. Il répugnait à Pilate de faire mourir un innocent pour satisfaire des haines de prêtres, car en somme, les ennemis de Jésus ne pouvaient lui reprocher que quelques intempérances de langage. Il n'y avait pas là de quoi tuer un homme. Mais on fit entendre à Pilate que son indulgence compromettrait sa position officielle. Si tu ne vois pas le danger de ces prédications subversives, tu n'es pas l'ami de César. » Pilate céda pour conserver sa place. Jésus fit livrer à ses ennemis qu'il mit en croix. Le gouvernement fournit des troupes pour contenir le peuple pendant le supplice. Mais le peuple ne bougea pas. Il laissa tuer son ami. Les riches et les prêtres, l'ayant reçu des mains de Pilate, ne le lâchèrent plus. Il fallait bien que le calvaire fût éternel, puisque les dieux sont en dehors du temps. Quant à Pilate, il est probable que sa lâcheté ne lui laissa pas beaucoup de remords. Il se disait sans doute que le maintien de l'ordre était à ce prix, qu'après tout cet homme excitait à la haine des citoyens les uns contre les autres, et qu'avec un ennemi de la société, on n'était pas obligé d'être juste. Cet événement, qui partage en deux l'histoire du monde, passa inaperçu des contemporains. Les 5 ou 6 lignes qu'on trouve dans Joseph sont une interpolation. Si Joseph avait cru, comme ce passage le lui fait dire, que Jésus était le Messie et qu'il était plus qu'un homme, Joseph, au lieu de rester juif, se serait fait chrétien. L'homme-Dieu. L'introduction du christianisme en Grèce se rattache aux noms juifs de saint Paul et de saint Jean, comme celle des mystères dionysiaques au nom du Thrace Orpheus. À 15 siècles d'intervalle, c'est un germe divin sorti de l'Orient qui se développe aux rayons fécondants du soleil de la Grèce. Au jour de sa jeunesse, la Grèce avait révélé la religion d'Homère et de Phidias. Quand son idéal fut transformé par la philosophie, elle légua aux races nouvelles l'enfant de sa vieillesse, le Verbe, le dernier-né de ses dieux. Mais la philosophie ne peut devenir une religion qu'en revêtant la forme concrète du symbole. Il faut que les idées prennent un corps, comme les âmes qui veulent entrer dans la vie. Le symbole nouveau, qui devait réunir tous les éléments religieux dispersés dans le monde, ne pouvait naître dans les écoles philosophiques, car cette incarnation de la pensée dans la forme est une œuvre toute populaire. Les philosophes n'ont jamais pu l'accomplir, pas plus qu'ils ne peuvent créer une langue. Mais leur pensée avait pénétré à leur insu dans la profondeur des couches sociales, parmi les vaincus et les esclaves. Dans les derniers rangs d'un peuple méprisé, il était tombé un rayon de cette lumière sacrée, l'éternelle raison, qui est le seul dieu de la philosophie, et le Verbe s'était incarné dans le sein d'une vierge juive. Le souffle créateur de la Grèce, l'esprit aux ailes de colombe, avait visité l'âme religieuse de l'Orient et l'avait fécondée sans la flétrir. D'après le fragment des grandes éoïées, placé au commencement du bouclier d'Hésiode, Zeus, voulant opposer un protecteur puissant au fléau de la guerre, résolut de donner Héraclès au monde. C'est dans ce but qu'il entre chez Alcmène en prenant les traits d'Amphitryon, car jamais aucune femme n'aima autant son mari. Dans le dogme chrétien, une vierge sans tache, épouse injuste, est choisie pour enfanter le sauveur. La forme du symbole est plus chaste, mais la pensée est la même. La naissance des grands hommes est un bienfait des dieux. Héraclès est appelé tantôt le fils de Zeus, tantôt le fils d'Amphitryon. Jésus passe pour le fils de Joseph, et l'Évangile expose la généalogie qui le rattache à David, quoiqu'en réalité il soit fils de Dieu. Le Rédempteur ne pouvait naître que d'une vierge, car c'est la pureté de l'âme qui enfante le sacrifice de soi-même. Rien de plus transparent que ce gracieux symbole de la Vierge Mère qui a fourni à l'art de la Renaissance un type nouveau du féminin éternel. Le fils de la pureté immaculée fécondé par l'inspiration céleste, le fruit de l'hymen mystique de l'Orient et l'Occident, né dans une étable d'une humble famille d'ouvriers qui descend des rois, représente l'unité originelle de la famille humaine. Les bergers l'adorent dans son berceau, comme les pasteurs de l'Himalaya et de la Chaldée adoraient le soleil naissant. Les rois mages, conduits par une étoile, viennent se prosterner devant l'enfant Dieu, rayonnant dans ses langes, et lui présenter l'or, l'encens et la myrrhe. L'Égypte, mère antique des initiations, lui offre un asile contre le tyran qui menace sa vie, comme elle avait servi d'abri aux anciens dieux menacés par les géants. Ces débuts de la légende consacrent sous une forme évémériste la part des vieilles religions orientales dans l'élaboration de la religion nouvelle, qui emprunte à la Perse le dogme du diable, à l'Égypte le dogme de la résurrection. Sur la genèse du Sauveur, la tradition chrétienne laisse une grande lacune. Rien qui réponde aux détails de la tradition bouddhique sur la jeunesse de Sakyamuni, son éducation religieuse et ses austérités ascétiques. Les épreuves, qui sont la condition première de toute initiation, se réduisent pour Jésus à 40 jours de jeûne au désert, après lesquels, transporté par le tentateur sur la plus haute montagne, il refuse d'accepter les royaumes de la terre. Quant aux tentations charnelles, si fréquentes dans la vie des ascètes chrétiens, elles n'ont pas même de place dans celle de l'homme-dieu. La légende ne fait pas prévoir l'importance que prendra la chasteté dans la morale chrétienne. Elle nous montre le Christ plein d'indulgence pour la femme adultère, la samaritaine et les femmes possédées du démon. Après ces années silencieuses, le Sauveur apporte aux hommes la bonne nouvelle. Son enseignement moral se résume dans la fraternité humaine et dans la confiance en Dieu, considéré comme le Père, non plus des Juifs seulement, mais de tous les hommes. L'emploi fréquent de la parabole donne à cet enseignement une force d'attraction que n'auraient jamais eu les froides leçons des docteurs. Haït des riches, qu'il poursuit de ses invectives, et des prêtres hypocrites, dont il fait fumer la chair sous le fer rouge de ses anathèmes, il est béni des pauvres et des proscrits de l'ordre social, et c'est pour eux qu'il multiplie le pain céleste de sa parole, l'inépuisable pain de la charité. Toujours suivi d'une troupe de mendiants affamés et de filles perdues, il préfère le repentir à l'orgueilleuse vertu des heureux du monde. Il préfère à la vaine science des prêtres l'humble simplicité des pauvres d'esprit, et il donne son ciel aux petits enfants. Il guérit les maux de la pauvre âme humaine, il ouvre les yeux des aveugles à la divine lumière, il ressuscite les morts à la vie éternelle. Comme Héraclès avait délivré de ses chaînes le titan ravisseur du feu, le Christ délivre des chaînes du péché et de l'empire de la mort la race d'Adam, coupable d'avoir volé le fruit de l'arbre de la science. Il révèle au monde le grand mystère de l'âme, la rédemption par la douleur. Voici la nuit des oliviers et la sueur de sang. Mon Dieu, s'il était possible d'éloigner de moi ce calice. Non, il faut le boire. Que ta volonté soit faite, mon Père. Voici le baiser de Judas et le tribunal et la parodie de la justice, car il y avait déjà dans ce temps-là des magistrats intègres qui sauvaient l'ordre en proscrivant la libre pensée. Abandonné de tous, vendu par son disciple, renié par son ami, fouetté aux potes des esclaves, après la dérision du manteau de pourpre et de la couronne d'épines, il porte sa croix sur ses épaules dans la longue voie douloureuse et meurt entre deux voleurs, lui, la vertu vivante. Il souffre et meurt pour le salut de ses frères, il lave dans son sang les souillures du monde, il réconcilie la terre et le ciel. L'évémérisme chrétien. Il y a eu dans notre siècle une école de théologie rationaliste qui a appliqué le système historique des évémères à la mythologie chrétienne. La lumière céleste qui éblouit les bergers de Bethléem a été réduite aux proportions d'une lanterne. Les rois mages qui vinrent, guidés par une étoile, apportaient l'or, l'encens et la myrrhe au dieu nouveau-né, sont devenus des marchands arméniens qui, passant par là, s'intéressèrent à une pauvre famille et firent quelques cadeaux à la mère et à l'enfant. Le dieu mort et scellé sous la pierre du sépulcre n'était qu'un homme en léthargie. Ses amis l'ont déterré et l'ont fait revenir à lui. Voilà la résurrection du troisième jour. Quant à l'ascension, elle s'explique par un brouillard qui a permis aux ressuscités de s'esquiver sans être aperçus. Ceux qui ont trouvé ces explications n'étaient pas des ennemis du christianisme, mais ils voulaient concilier la légende avec le progrès des Lumières. Les savants qui veulent faire entrer la mythologie dans l'histoire confondent le dieu avec le modèle qui a posé pour sa statue. Si l'on trouvait le masque de la Fornarina, on nous dirait peut-être « Ne croyez pas les mensonges de Raphaël, voici la véritable Madone ». Mon point de vue est tout à fait différent. Je ne cherche pas à ramener la mythologie aux conditions de l'histoire. Pour moi, les religions sont de magnifiques œuvres d'art, et l'idéal est plus vrai que la réalité, car elle est passagère et il est éternel. Je ne discuterai même pas la vraisemblance des biographies de Jésus qu'on a écrites de nos jours. Plutarque a bien écrit une vie de Thésus. Il a même fait celle d'Héraclès. Voici un savant évémériste qui nous représente Jésus comme un charmant docteur, d'une exquise distinction et d'une douce ironie, un peu sceptique et pratiquant le dédain transcendant. Pour d'autres savants, encore plus réalistes, Jésus a été beaucoup trop surfait. Ce n'était qu'un homme très ordinaire, qu'il est temps de réduire à sa juste valeur. Il y a un professeur de la Sorbonne qui a découvert dans le cerveau de Jésus des symptômes d'aliénation mentale. Eh bien, quand même on prouverait que Jésus n'a jamais existé, l'idéal divin que l'Occident adore depuis 1800 ans sous le nom de Christ n'en serait pas moins un dieu. De même qu'en niant l'existence d'Homère, on n'a pas supprimé l'œuvre divine qui porte son nom. Ce qu'on adore dans l'homme-dieu, c'est la plus haute manifestation de la vertu de l'homme, le sacrifice de soi-même. Pouvez-vous concevoir quelque chose qui soit au-dessus de cela? Non, n'est-ce pas? Vous voyez bien que c'est un dieu. Le drame de la passion. La fable de Chiron s'offrant à la mort pour la délivrance de Prométhéeus, celle de Dioscorès mourant alternativement pour se partager l'immortalité, avait préparé les Grecs au dogme chrétien de la rédemption. Les initiations mystiques reproduisaient tout le thème de la passion, de la mort et de la résurrection d'un dieu. Mais par les détails profondément humains de son agonie, le Christ laisse bien loin de lui tous ses symboles physiques. On ne peut s'intéresser aux mésaventures du raisin foulé dans le pressoir, ni à la descente du soleil dans les signes inférieurs du zodiaque, tandis que le Christ est un homme qui souffre et qui meurt. Sa passion est le résumé de toutes les douleurs humaines, angoisses de l'âme et tortures du corps. Qu'importe que la pensée soit enveloppée de symboles mythologiques, ces symboles sont l'incarnation vivante de la conscience humaine. Il n'est pas de poète ni d'artiste qui puisse en créer de plus beau. Qu'on cherche une expression visible et plastique du dogme républicain de la fraternité, on ne pourra trouver une image plus saisissante que celle du juste mourant volontairement pour le salut des hommes. Devant le tribunal révolutionnaire, Camille Desmoulins, l'apôtre de la clémence, se mettra sous le patronage du sans-culotte Jésus. Devant toutes les proscriptions, on se rappellera toujours ce drame sublime, type éternel de toutes les condamnations injustes et de toutes les douleurs volontairement acceptées. Quand on voit tant de haine et de lâcheté s'acharner sur les vaincus, on pense à la trahison de Judas et au reniement de Saint-Pierre, aux insultes des soldats et des juges, aux soufflets, aux crachats, à l'éponge de fiel. Et quand on en voit les victimes porter les chaînes des forçats, on se souvient que le dieu du sacrifice fut crucifié entre deux voleurs. Dans le médiateur nouveau se confondent le dogme oriental de l'incarnation et le dogme grec de l'apothéose. C'est un dieu qui se fait homme pour sauver le monde. C'est un homme qui s'élève au ciel par sa vertu. Sans doute, il ne s'agit ici ni des vertus publiques, ni des vertus privées, puisque le Christ n'est ni époux, ni père, ni citoyen. Mais il est le sacrifice de soi-même, c'est-à-dire la plus haute expression du divin dans l'humanité. Nulle part, même si on pouvait monter dans la dernière étoile, on ne trouverait rien de plus beau et de plus grand. Les stoïciens avaient dit « L'homme est supérieur aux dieux, car il peut donner sa vie pour la justice, et les dieux ne peuvent ni souffrir ni mourir. » Cette lacune, dans le glorieux panthéon de la Grèce, le christianisme l'a comblée. Son dieu est un homme qui souffre et qui meurt. La poétique légende d'Éleusis est dépassée par la sincérité naïve du récit évangélique de la Passion. Que sont les vautours du Caucase? Qu'est-ce que le bûcher de Loïta, près de la croix du Calvaire? Il ne s'agissait plus d'un héros des époques fabuleuses, il avait vécu parmi nous, on l'avait vu, on l'avait touché, et le plus incrédule avait mis un doigt dans ses plaies. L'évémérisme ne pouvait aller plus loin. Le divin n'entrait plus seulement dans l'histoire, il prenait pied dans la réalité contemporaine. La religion nouvelle allait vivre de ce qu'avait tué l'ancienne religion. Pour comprendre les misères humaines, il faut avoir souffert. Le peuple salua comme son rédempteur ce charpentier socialiste mort du supplice des esclaves. Les philosophes, qui attendaient toujours le vengeur de Socrate, reconnurent la parole divine dans ce martyr de la libre parole, sacrifié à des rancunes sacerdotales. Les races fatiguées n'espéraient plus rien de la terre. Il leur fallait un lit profond comme un tombeau pour y dormir en paix. Le monde vieilli s'enveloppa dans son linceul et les regards tournés vers le gibet du dernier dieu attendit la résurrection promise. La résurrection des corps. Le panthéisme égyptien consacrait par le jugement des morts le caractère moral des migrations ascendantes et descendantes de l'âme et les rattachait, sous des formes mythologiques, à l'évolution du soleil, source de toute vie et symbole de toute justice dans l'univers. L'embaumement des corps, justifié au point de vue de l'hygiène par les débordements périodiques du Nil, préparait le retour des âmes, après une série d'épreuves, dans les corps qu'elles avaient animés, comme le soleil retourne périodiquement à ses stations dans le ciel. Le dogme égyptien de la résurrection ne doit pas être confondu avec le dogme grec de l'immortalité de l'âme. Il en diffère autant que le panthéisme égyptien diffère du polythéisme grec. La croyance à la résurrection des corps s'infiltra peu à peu chez les Juifs quand ils se trouvèrent dans un continuel contact à Alexandrie avec les Égyptiens. la perpétuité de la personne humaine, qui dans l'hellénisme avait pour conséquence le culte des morts, aurait semblé chez les Juifs un vol au Dieu unique. Mais la résurrection semblait plus acceptable. On pouvait croire que Dieu, s'il le voulait, rendrait la vie aux morts comme il l'avait donnée aux vivants. On voit même par la parabole du mauvais riche dans l'Évangile qu'à l'époque de l'ère chrétienne, on admettait en Judée que les justes seraient accueillis après leur mort dans le sein d'Abraham, tandis que les méchants seraient en proie à une soif inextinguible. Cependant, les Sadducéens, qui étaient les Juifs orthodoxes, repoussaient opiniâtrement la croyance à la résurrection dont ils ne trouvaient pas de trace dans le Pentateuque ni dans les prophètes. Il est possible que la croyance à la résurrection et au jugement dernier ait pénétré chez les Juifs d'Asie mineure par le culte de Mithras, qui se rattachait à la religion iranienne et qui prit un grand développement vers l'époque de Mithridate. Après la guerre des pirates, il se répandit en Occident et on possède un assez grand nombre de bas-reliefs mithriaques de l'époque romaine. On n'a sur cette religion que de rares indications éparses dans quelques livres grecs. On sait seulement que Mithras, qui était originairement un dieu solaire, avait le caractère d'un médiateur entre Hormuz et Ahriman. Le culte de Mithras, qui se répandit comme toutes les religions de cette époque sous forme d'initiation mystique, avait beaucoup de succès parmi les soldats, car c'était un dieu guerrier, et l'inscription d'un de ses monuments lui donne le titre de l'invincible. C'est celui qui doit triompher du mal, des ténèbres et de la mort. Après cette dernière victoire, les hommes seront heureux, ne mangeront plus et n'auront plus d'ombre. La résurrection des corps fut adoptée par les premiers prédicateurs du christianisme qui en firent le couronnement d'une vaste construction mythologique. Ils donnèrent au Christ le rôle de sauveur de la race humaine et de juge des morts, attribué par les Égyptiens à Osiris, en y ajoutant l'idée de rédemption par la mort d'un dieu emprunté au mystère de Dionysos. Le caractère particulier de la prédication de saint Paul est attribué par M. Havet à l'influence de la religion mithriaque, et cette opinion est très vraisemblable. Saint Paul était né à Tars, en Kilikie, le pays d'où les mystères de Mithras étaient entrés dans l'Empire romain. Ces mystères attiraient les âmes par la promesse d'une résurrection des morts et d'une destruction de la mort et du mal. C'est là le thème unique de la prédication de saint Paul. « Ce qui l'intéresse dans le Christ, dit M. Havet, ce n'est ni sa personne qu'il n'a pas connue, ni ce qu'il a dit ou fait dans sa vie terrestre dont il ne parle jamais. C'est seulement que le Christ, par sa mort, a donné le signal de la catastrophe finale qui va faire disparaître ce monde. Paul voit de ses yeux, comme présente, la destruction de toute puissance, c'est-à-dire l'écroulement de l'Empire romain, et après que celui-ci aura péri, périra aussi le dernier ennemi, c'est-à-dire la mort. Je ne saurais trop insister sur cette idée de la résurrection prochaine des morts et de son importance dans la christologie de Paul. Elle est inséparable pour lui de l'avènement du Christ, et elle en est, j'ose le dire, la raison unique. La croyance grecque à l'immortalité de l'âme ne pouvait frapper aussi fortement l'imagination populaire que les promesses de fin du monde, de résurrection, de jugement dernier. Rien ne contribua autant au progrès rapide de la nouvelle religion. C'est par là que les prédicateurs chrétiens entraînaient toutes ces masses écrasées, humiliées, foulées aux pieds, qui appelaient un vengeur et un juge. Que le monde finisse, puisque rien ne peut le corriger. Qu'il rentre dans l'abîme avec toutes ses souillures et les angoisses des vaincus et des esclaves et les misères des déshérités de la vie et tant d'oppressions séculaires et de crimes inexpiés. L'heure de la délivrance est proche, la trompette du jugement va retentir et les maudits iront au feu éternel, il y aura des cris et des pleurs et des grincements de dents. Et le juste, qu'ils ont mis en croix, descendra dans les nuées et nous ressuscitera comme il est ressuscité. Il y aura de nouveaux cieux et une terre nouvelle. Venez à moi, les élus de mon Père, car j'ai eu faim, et vous m'avez rassasié. J'étais nu, et vous m'avez couvert. Seigneur, quand donc avons-nous fait ces choses? Et il leur répondra, tout ce que vous faites pour le plus petit d'entre vos frères, vous le faites pour moi. Homère avait dit de même, les dieux, déguisés en mendiants, parcourent les villes pour éprouver la justice ou l'injustice des hommes. La fin du monde, qu'on avait annoncée comme très prochaine, dut être reculé de siècle en siècle, mais déjà le peuple avait pris l'habitude d'invoquer ses martyrs comme si pour eux la résurrection était déjà accomplie. L'idéal moral s'étant transformé, la résignation et les vertus ascétiques ayant pris le pas sur les vertus actives, le culte des saints remplaça le culte des héros. Le jugement dernier finit par n'être plus qu'une mise en scène mythologique et l'on cessa de croire qu'il fallut attendre la fin des temps pour être réuni à ses amis. La croyance à la vie future reprit ainsi le caractère spiritualiste que lui avait donné la Grèce. La philosophie de notre temps a essayé de renouveler l'idée de la métempsychose en l'adaptant à nos connaissances astronomiques, mais les transmigrations de planète en planète n'ont trouvé quelque faveur que dans les classes lettrées. Le peuple persiste à croire que ses morts sont toujours près de lui. S'il y a une croyance indépendante de toute éducation sacerdotale ou philosophique, c'est assurément celle-là. Quant au grand symbole du jugement dernier, on le traduit en langue moderne. On l'appelle le jugement de l'histoire. Il n'y a guère d'homme politique qui n'essaie de justifier ses actes dans des mémoires posthumes. C'était déjà ainsi dans l'Égypte des pharaons. Il y avait des épitaphes où le défunt énumérait les bonnes actions qu'il avait faites, les mauvaises dont il s'était abstenu. Au lit de mort, on demande pardon à ceux qui restent. On voudrait effacer l'irréparable. On plaide les circonstances atténuantes pour fléchir l'opinion des autres. Mais on ne peut tromper la conscience. L'âme est son propre témoin, l'âme est son propre juge, dit le code de Manou. Et en effet, on n'en saurait trouver de plus sévère et de plus clairvoyant. État présent des croyances. La réforme a voulu ramener le christianisme à ses sources juives. L'exégèse a essayé de retrouver les bases historiques de sa légende. La philosophie aussi entre une critique négative du symbole et une paraphrase de la doctrine. C'est surtout par les subtilités de sa métaphysique que le christianisme séduit les philosophes. Il y a quelques années, ils étaient passionnés pour la Trinité. Le nombre 3 leur semblait le plus beau de tous les nombres et ils le retrouvaient partout. On ne voit généralement dans la religion qu'un ensemble de dogmes plus ou moins inacceptables pour la raison. Il faut y voir quelque chose de plus important, une règle idéale pour la conduite de la vie. Ceux qui acceptent cette règle forment un groupe social, une assemblée, c'est le sens du mot Église, et se sentent liés les uns aux autres dans une aspiration commune, c'est le sens du mot religion. On dira peut-être que la conduite de la vie regarde la morale, et que la morale est la même pour tous les hommes, à quelque religion qu'ils appartiennent, et même en dehors de toute espèce de religion. C'est une erreur. Qu'on examine par exemple les deux grands systèmes de philosophie sociale qui se sont produits dans notre siècle, celui de Saint-Simon et celui de Fourier. Le saint-simonisme prêche la réhabilitation de la chair et fonde une hiérarchie de castes sur la différence des capacités. Tout pour l'intelligence, rien pour la vertu. Le fouriérisme proclame les attractions proportionnelles aux destinées. Toutes les passions lui semblent légitimes. Il suffit de les distribuer en groupe pour produire l'harmonie. Ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a place pour l'énergie virile de la lutte contre soi-même, pour l'héroïque effort de la volonté. Le christianisme, au contraire, héritier de la morale grecque, établit la suprématie de l'âme sur les attractions du dehors. Pour lui, la vie est un combat sans trêve, et le prix de la victoire, c'est la paix divine de la vertu. Quiconque admet cette grande morale de la lutte intérieure poussée jusqu'au sacrifice de soi-même a le droit de se dire chrétien. Les sectes chrétiennes sont nombreuses et pourraient l'être plus encore sans inconvénient. Leurs différences ne portent pas sur l'idéal moral, qui est seul du domaine de la foi, mais sur des questions de dogme ou d'histoire, que chacun peut résoudre comme il l'entend. Dans l'exégèse, comme dans toute autre science, les opinions les plus diverses peuvent se produire. Dans les pays de la liberté, aux États-Unis par exemple, le christianisme, malgré l'infinie variété de ses nuances, est ramené à son expression la plus simple. Il se réduit à 3 éléments. D'abord, la loi morale, conçue comme personnelle et confondue avec le lien général des choses. Puis, la vertu parfaite personnifiée dans le juste qui s'immole pour sauver le monde. Enfin, un livre qui, malgré ses lacunes morales et son fréquent désaccord avec la conscience de notre époque, représente la tradition chrétienne et rattache les croyances du présent à celles du passé. J'ai essayé dans ces leçons de porter la question sur un autre terrain, celui de la symbolique. J'ai cherché à expliquer les dogmes chrétiens comme j'avais expliqué ceux des anciennes religions. L'herméneutique, en traduisant les religions sous une forme abstraite, les rend acceptables à la raison des libres penseurs. J'ai montré dans une des leçons précédentes que l'évolution de la conscience humaine est exposée très clairement par ce symbole si simple, l'Éden de l'enfance, le serpent des passions humaines et la rédemption sur le calvaire de la vie, et l'ascension dans le ciel mystique de la conscience. J'ai rattaché la symbolique chrétienne au polythéisme hellénique, dont le cadre est assez large pour contenir toutes les conceptions religieuses. Entre les lois éternelles, dont l'accord produit l'ordre de l'univers et que l'Antiquité appelle les dieux, l'homme a sa loi propre qui est la morale. Le devoir est sa religion, car en faisant ce qu'il doit, l'homme se relie à l'ensemble des choses. Ce qui doit être étant la règle de ce qui est. Les chrétiens ont eu raison de dire, après les philosophes, que la loi de justice qui règne au-delà du monde visible, le Dieu intérieur que chacun porte en soi, est le seul Dieu que l'homme doive adorer. Subordonner toutes ses actions à cette loi qui se révèle dans la conscience, c'est ce qu'on appelle aimer Dieu par-dessus toute chose. Le culte de la justice implique la lutte incessante contre soi-même, le sacrifice de toutes nos passions égoïstes au bonheur d'autrui. Par cette abnégation sans réserve, l'homme s'unit à Dieu, c'est-à-dire au bien absolu. Le type de cette vertu suprême s'appelle l'homme-Dieu. C'est le modèle que se proposent ceux qui prennent le nom de chrétiens. C'est en s'élevant, par un effort continu, vers cette perfection idéale, qu'ils entrent dans la communion des saints et se reposent, après la lutte, dans la béatitude intérieure qu'on nomme le ciel. Aujourd'hui, les uns pensent que le christianisme est arrivé au terme de son évolution historique et que l'avenir vivra sans religion, c'est-à-dire sans idéal, comme on dit que cela a lieu en Chine dans les classes lettrées. Pour les autres, on ensevelit une religion que lorsqu'on la remplace, et leur semble que le christianisme n'est pas remplacé et qu'aucune religion vivante n'est capable d'en recueillir la succession. D'autre part, le bouddhisme, l'islamisme, le judaïsme ne semblent nullement disposés à céder la place à la religion chrétienne. Chacun garde ses positions, la propagande ne s'exerce plus qu'en détail, le temps des conversions en masse est passé. On ne voit poindre à l'horizon moral ni une religion nouvelle, ni une synthèse des anciennes religions. Depuis un demi-siècle, cependant, un rapprochement inconscient paraît se préparer entre des religions longtemps ennemies. Les efforts ont été tentés dans un but d'épuration par les églises protestantes et se poursuivent, au nom de la science, dans les écoles d'exégèse, pour amener le dogme chrétien à sa phase embryogénique. En réduisant la légende aux proportions de l'histoire, on ôte à l'homme-Dieu son caractère symbolique, et on le rapproche de plus en plus de Moïse ou de Mahomet. Ce sont les rites traditionnels, bien plutôt que les croyances, qui mettent une barrière entre les juifs, les musulmans et les chrétiens rationalistes. Sans leur circoncision et leur répugnance pour la charcuterie, les musulmans et les juifs pourraient accepter ce christianisme sans mythologie, qui a beaucoup d'adhérents aujourd'hui dans la classe lettrée. Un rapprochement avec le bouddhisme ne serait pas plus difficile. La théorie de l'inconscient, qui représente le dernier terme de la philosophie allemande, ne diffère de la métaphysique bouddhiste que par la forme. L'alliance des dernières religions vivantes sera l'œuvre du XXe siècle. Ainsi s'achève « Les sources grecques du christianisme » par Louis Ménard.